Ajahn Chah, Être ce qui est. Chapitre 2. Comprendre le Dhamma. Première partie. Le Dhamma d'ici et maintenant. Nous pratiquons le Dhamma parce que nous y voyons la valeur d'un noble trésor, la richesse qu'il contient. Nous sommes attachés à la richesse matérielle, mais, maintenant, nous essayons de l'échanger contre la richesse intérieure. Celle-ci n'aura rien à craindre des voleurs, pas plus que des catastrophes naturelles comme les inondations ou les incendies. C'est un bonheur de l'esprit que rien d'extérieur ne peut menacer. Faire des offrandes nous donne une idée de cette forme de bonheur parce que, ce faisant, nous dépassons notre tendance à l'avidité et à l'avarice. C'est ce que le Bouddha voulait dire quand il parlait de mérite. Quelle que soit notre façon de pratiquer le Dhamma, que nous fassions des dons, suivions les préceptes éthiques ou méditions pour rayonner la bienveillance envers tous les êtres, le Bouddha a enseigné que toutes ces pratiques ne devaient avoir qu'un seul et unique objectif. Trouver la paix. Par conséquent, le Pachupana Dhamma, la vérité d'ici et maintenant, est extrêmement important. Nous pratiquons diverses activités que nous appelons Dhamma, comme faire des offrandes pour soutenir le Bouddha Sasana, l'enseignement du Bouddha. Mais il est important que nous sachions exactement en quoi il consiste. Se contenter de rechercher des mérites ne nous mènera peut-être pas au cœur de ces enseignements. Il est important de faire la distinction entre mérite et intelligence. Le mérite en soi manque d'une composante de sagesse. Or, sans sagesse, nous ne serons jamais libérés de la souffrance. Le mérite sans l'intelligence, c'est comme porter un fardeau et être incapable de le poser. Le fardeau finit par être trop lourd et nous écrase. L'intelligence, c'est à quel moment il faut lâcher. Ensemble, ces deux vertus soutiennent le Bouddha Sasana. Nous écoutons le Dhamma pour développer notre intelligence et accroître notre bonheur. Ensuite, nous y réfléchissons pour en bénéficier et en faire bénéficier les autres. Nous apprenons à lâcher prise parce que s'accrocher aux choses ne mène qu'à la souffrance. Dukkha, cette insatisfaction de la vie qui imprègne tout, n'est pas un passage obligé. Mais en connaissez-vous les causes? La souffrance est dans le présent. N'allons donc pas chercher ses causes dans le passé. Tous les dhammas ont une cause. Ils n'apparaissent pas par miracle du jour au lendemain. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse faire souffrir les gens en dehors d'un manque de connaissances. Un rocher est-il lourd? Si on se contente de passer à côté, en quoi pèse-t-il? Mais si on essaye de le soulever, c'est une autre histoire. Ainsi, la naissance, la jeunesse, le vieillissement, la pauvreté, la richesse et tout le reste sont causes de souffrance si nous n'en avons pas la connaissance. Le Bouddha a dit que nous devions connaître Dukkha ainsi que les trois autres nobles vérités, la cause de cette souffrance, sa cessation et la voie qui mène à la cessation. Si nous les connaissons vraiment, rien ne pourra nous rendre malheureux. Certaines personnes disent que la souffrance fait partie de l'esprit, qu'elle a toujours été là. J'en parlais justement aujourd'hui avec quelqu'un. J'ai essayé d'expliquer que la souffrance n'est pas intrinsèque à l'esprit. Elle naît dans l'instant présent. Si un sentiment d'aversion apparaît dans votre esprit, vous ressentez de la souffrance à cet instant-là. Pensez à un citron. Si vous ne vous en occupez pas, est-il acide? Où se trouve donc l'acidité? Elle n'apparaît que lorsque le jus du citron entre en contact avec la langue. Si vous ne ressentez pas cette acidité en ce moment, c'est comme si elle n'existait pas. Quand il y a contact entre le jus du citron et la langue, l'acidité apparaît dans l'instant, et de là naissent le rejet et les afflictions. Mais ces afflictions ne sont pas intrinsèques à l'esprit. Elles apparaissent dans l'instant, puis disparaissent. Quand l'esprit trouve la paix, c'est le bout du chemin. C'est l'objectif que le Bouddha souhaitait que tout le monde réalise. Mais avant d'arriver au bout du chemin, nous devons savoir comment pratiquer pour avoir l'esprit en paix. Notre esprit n'est pas paisible parce que nous n'avons pas pleinement réalisé le Dhamma authentique. L'esprit manque encore d'intelligence et de stabilité. Il n'a pas la sagesse qui connaît les choses telles qu'elles sont, qui voit la vérité de tous les phénomènes ou sabhava dhamma, les conditions naturelles. Sabhava signifie exister tel quel, exister ainsi. Qu'un Bouddha apparaisse ou pas dans le monde, les phénomènes existent tels quels. Ils ne passent pas dans un autre mode d'existence. On nous apprend à commencer par la compréhension juste. À partir de là, il y a la pensée juste, l'action juste, la parole juste, la manière juste de gagner sa vie, l'effort juste, l'attention juste et la méditation juste. Nous disons qu'il y a 8 étapes, mais en réalité, ce sont les facteurs d'un seul et unique sentier que tout individu doit parcourir. Quand la compréhension est correcte, la pensée sera juste, de même que la parole et tout le reste. Quand l'esprit est établi dans ce qui est correct, toute la progression sur le sentier est inévitablement correcte également. Rien n'ira de travers et avancer sur ce chemin conduira à la paix. Le Bouddha a enseigné le lâcher-prise. Quand nous vivons quelque chose de plaisant, il nous recommande de voir qu'il y a simplement un ressenti de plaisir. Quand le vécu est douloureux, il nous recommande de voir qu'il y a simplement un ressenti de douleur. Il n'y a personne qui fasse l'expérience du plaisir ou de la douleur, du bonheur ou de la souffrance. Ces choses apparaissent en tant que résultat de causes antérieures, et quand on pratique correctement, on constate qu'elles n'appartiennent à personne. Le Bouddha nous a demandé de voir qu'il y a seulement le bonheur, seulement la souffrance, et non un moi, un être, une personne ou une entité individuelle. Voilà ce qu'est la vision juste. Il n'y a pas de moi qui détienne un droit de propriété sur les situations de l'existence. En général, nous pensons en termes de ma jambe, mon bras, mes amis. Et ainsi, nous voyons un moi partout. Mais selon le Dhamma, ce n'est pas la réalité. Voir vraiment le moi, c'est comprendre que ces choses-là ne sont pas moi, ni à moi. Si vous le voyez, vous ne les portez plus comme un fardeau. Si vous voyez un serpent et que vous passez à côté, il ne vous mordra pas. C'est bien un serpent venimeux, mais son venin ne vous atteint pas. De la même manière, le Bouddha recommande de voir la réalité de ce que nous prenons pour moi. Il est difficile d'entendre et de comprendre cela car le monde a ses conventions. Quand les leçons du monde arrivent à l'esprit du Bouddha, elles sont complètement fausses. Et quand les enseignements des êtres éveillés arrivent à l'esprit des gens du monde, ils leur paraissent faux. Quand les gens ont le sentiment que les choses bonnes ou mauvaises qui leur arrivent sont à eux, ils s'y attachent et sont alors à la merci de l'impermanence. Du fait que tout est soumis au changement, l'attachement ne peut qu'engendrer un sentiment d'insatisfaction. Parfois, ils seront contents, et parfois perturbés quand les situations se produiront, puis passeront et continueront de changer. Ces perturbations viennent du fait que la vision erronée a envahi leur esprit et leur a mis en tête des idées fausses. Ils finissent par porter sur leurs épaules bonheur et souffrance, et ce poids devient trop lourd pour eux. Si notre vision des choses est correcte, un ressenti est simplement un ressenti. Le plaisir est simplement plaisir. La douleur, simplement douleur. Il n'y a personne qui possède plaisir ou douleur. Le Bouddha voulait que nous contemplions les choses de cette manière. Si nous contemplons ainsi pendant un certain temps, nous voyons apparaître cette qualité du Dhamma qui appelle l'esprit à venir voir ce qui est. Qu'est-ce exactement que ce bonheur que nous ressentons? Qu'est-ce que cette souffrance qui nous fait mal? Sont-ils stables et permanents? Et s'ils ne le sont pas, quelle est donc leur nature? Nous sommes certainement capables d'observer des choses que nous avons déjà vécues, n'est-ce pas? Nous avons déjà vécu le bonheur. A-t-il pris fin? Nous avons déjà connu le malheur. A-t-il duré toujours? Quand nous arrivons à connaître la nature changeante des phénomènes, nous pouvons cesser de nous laisser enfermer par eux. Dès lors, l'esprit trouve la paix parce que nous n'essayons plus de posséder quoi que ce soit. Cela n'empêche pas d'apprécier la vie et de faire usage des choses du monde. Nous avons des ustensiles de cuisine, des meubles, etc. Mais ils ne sont pas notre propriété. Nous les utilisons tout en comprenant bien qu'ils ne nous appartiennent pas vraiment. Nous pouvons en user librement et confortablement sans avoir à en souffrir, car nous le faisons avec une compréhension globale qui transcende la façon habituelle de voir les choses. Si nous ne sommes pas capables de dominer toutes ces choses, ce sont elles qui nous dominent, car nous les portons avec tout le poids de l'attachement qui dit « c'est à moi ». Cette vision erronée ne peut qu'engendrer de la souffrance, parce que les choses ne se passeront jamais exactement comme nous le voudrions. Pourquoi les choses se cassent-elles? Parce qu'elles existent. Si vous voyez les choses comme étant déjà cassées, vous ne pleurez pas quand elles se cassent. Si la tasse n'est pas à moi, du fait de cette non-implication personnelle, qu'elle se casse ou pas, il n'y a pas de problème. Vous avez des objets chez vous, alors tâchez d'y réfléchir. Cela n'empêche pas d'apprendre à vos enfants à prendre soin des choses. Si vous vous dites « bah, ce n'est pas à nous », vous finirez par ne plus avoir d'assiette pour manger. Comprenez d'une certaine manière, mais parlez d'une autre manière. Si vous employez des concepts d'adultes avec les enfants, personne ne va laver la vaisselle. Tant que l'on vit dans le monde, il y aura toujours des choses à faire, mais on peut les faire en lâchant prise. Alors l'esprit est paisible, sans détresse et on peut travailler tout à son aise. C'est la manière juste de gagner sa vie. Et même si le travail à accomplir est dur et déplaisant, c'est acceptable. Le Bouddha nous a donné les moyens d'échapper aux renaissances, mais nous voulons renaître. Pourquoi? Qu'espérons-nous obtenir? Nous ne voyons pas encore le poids que cela implique. Nous ne voyons pas les choses comme les voit le Bouddha. Dans son enseignement, il parle de la notion erronée qui consiste à dire « je suis meilleur que les autres » ou « je suis l'égal des autres » ou encore « je suis pire que les autres ». Voir les choses de n'importe laquelle de ces façons est inexact. Par contre, si on est libre de cette notion, il n'y a aucun obstacle. Les gens veulent le bonheur, la richesse et tout le reste. Ils sont attachés au mérite, mais ils n'en attendent que des bienfaits tangibles en retour, sans faire de véritables progrès spirituels. En arithmétique, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, mais nous ne voulons que l'addition et la multiplication, à savoir la recherche du bien-être personnel. En fait, les gens ont des activités méritoires, mais ils souffrent aussi de la maladie et d'autres problèmes. Alors ils commencent à se poser des questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Où est le fruit de tous mes mérites? Mais ce n'est pas le sens qu'il faut donner à la pratique méritoire et à la conduite vertueuse. On ne cherche pas à gagner des mérites pour faire qu'un chat se transforme en chien. Le mérite ne va pas changer la nature des sankharas, des phénomènes conditionnés. Ceux-ci sont en fluctuation permanente, alors, quoi qu'il arrive, n'en soyez pas exagérément préoccupé ou perturbé. C'est naturel. Ce que nous appelons les moyens habiles ou les actions bénéfiques se traduit dans le langage du Bouddha comme une forme d'intelligence, une qualité de circonspection qui permet de vivre dans le monde. Il est nécessaire que le mérite et les moyens habiles fonctionnent ensemble. Le mérite est comme de la viande crue qui va s'abîmer au bout d'un certain temps. La sagesse est le sel qui va permettre de la conserver. Vous pouvez aussi la mettre au réfrigérateur. Il est dit qu'il n'y a pas de lumière plus éclatante que la sagesse et pas de torrent plus violent que Tanha, la soif du désir. C'est pourquoi le Bouddha a conseillé de ne pas laisser l'action, le fait de manger ou de voir, se transformer en convoitise. Vivez dans le monde, mais voyez-le clairement, tel qu'il est, sans permettre à votre cœur d'être submergé par l'avidité. En d'autres termes, lâchez prise encore et encore. L'enseignement du Bouddha a pour but d'aider tous les êtres à échapper au cycle du samsara. Mais nous, qui sommes affligés de grossiers voiles mentaux et qui manquons de sagesse, voyons les choses autrement. Quand nous entendons le Dhamma qui dit que rien ne nous appartient vraiment, nous craignons de ne rien obtenir et cela nous met mal à l'aise. En fait, on peut toujours dire que ceci est moi et que ces choses sont miennes, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une vérité conventionnelle, pas de la vérité ultime au niveau de la libération. Nous devons apprendre à utiliser les conventions dans tous les aspects de notre vie. Notre nom, par exemple. Nous ne sommes pas nés avec un nom. C'est après notre venue au monde qu'il nous a été donné. Il n'y avait pas un vieux nom à remplacer. La place était vide. Quand un espace est vide, on peut y mettre n'importe quoi. Les gens naissent ainsi, vides, et on leur attribue un nom, une manière de les désigner pendant cette vie. On va donc les appeler Jacques ou Monique, ou ce que l'on voudra. Et, sur un plan conventionnel, ces personnes vont devenir cela. En réalité, elles ne sont ni Jacques ni Monique. On les appelle comme cela, mais sur le plan ultime, il n'y a pas de Jacques ni de Monique. Il n'y a personne. Seulement des conditions naturelles qui se manifestent. Par contre, si nous voulons que Jacques vienne, nous devons l'appeler. Si nous voulons appeler Monique, nous devons utiliser le nom qui lui a été donné. Les noms sont un moyen pratique de communiquer et de fonctionner dans ce monde. C'est tout. Les choses étant nées, elles disparaissent. Ayant disparu, elles naissent à nouveau. Naissance et disparition, toutes les situations évoluent sur ce même schéma. Quand nous y regarderons de près, nous réaliserons que ce que le Bouddha a enseigné est la vérité. Et quand nous verrons cette réalité, nous n'en souffrirons pas et nous ne ressentirons aucun manque. En voyant qu'il n'y a pas de moi et que rien ne nous appartient, nous nous sentirons beaucoup plus détendus qu'avant. Nous serons en mesure de faire usage des choses à notre aise et nous vivrons paisiblement dans le monde. Certaines personnes réfléchissent à ce non-moi et non-mien et en perdent tout désir de faire quoi que ce soit. Elles se disent que, si elles ne peuvent rien acquérir qui leur appartienne vraiment, à quoi bon? ceux qui sont possessifs et qui sont attachés aux fruits de leur travail sont ceux qui souffrent le plus. Il vaudrait mieux essayer de travailler simplement pour accomplir sa tâche, en étant toujours conscient qu'aucun moi n'est engagé dans l'activité, que rien ne nous appartient, et en entraînant notre esprit à lâcher prise. Ainsi, dans le travail comme dans toutes nos activités, nous vivrons dans le lâcher-prise et l'abandon, en harmonie avec la réalité des choses. C'est ce que l'on appelle vision juste ou compréhension juste. Voir la réalité conventionnelle comme une réalité conventionnelle. Voir la façon dont les choses nous apparaissent et comment nous les désignons conventionnellement. Le Bouddha a dit que toutes ces désignations sont vides. Quand il a donné un enseignement au brahmane Mogaraja, il a dit « Mogaraja, tu dois voir ce monde comme étant vide. Quand tu le verras ainsi, la mort ne pourra pas te suivre, elle ne te verra pas. » De telles paroles peuvent décourager une personne ordinaire, mais c'est ainsi que le Bouddha formait ses disciples. Dire que le monde est vide peut nous faire croire qu'il n'y a rien dans le monde. Mais quand nous voyons un bol ou un vase, ces choses existent bel et bien. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais elles existent dans la vacuité. Elles existent, mais elles sont vides. Nous pouvons toujours appeler un certain objet « vase ». C'est une convention que nous créons par le mot qui le désigne. Ou bien nous pouvons utiliser une autre convention et l'appeler « pot ». En réalité, l'objet, quant à lui, est vide de ses noms. Le problème arrive quand nous tenons à l'appeler d'une certaine manière et que nous nous attachons à la vision que nous en avons. Imaginons deux hommes, l'un plutôt niais et son voisin assez intelligent. L'homme achète un pot de chambre au marché et, ne sachant pas de quoi il s'agit, le rapporte chez lui et l'utilise pour y mettre du riz. Il est assez satisfait de l'utilisation qu'il en fait, mais quand son voisin arrive et voit cela, il est stupéfait et n'y comprend rien. « Mais que fais-tu ? C'est dégoûtant d'utiliser un pot de chambre pour servir le riz. » L'un est considéré comme niais et l'autre intelligent. Mais pourquoi le second est-il dégoûté ? Le pot est neuf. Il n'a jamais été utilisé comme pot de chambre. Il est propre. Alors pourquoi s'en formaliser autant ? C'est simplement dû à l'attachement à une idée, et cet attachement engendre de la répulsion, voire de la colère. Regarde un peu cet idiot. Il se sert d'un pot de chambre pour mettre son riz. Mais de ces deux personnes, lequel est vraiment un idiot ? Le pot de chambre n'est rien en soi. Un pot ordinaire n'est rien en réalité. Nous désignons un certain objet par le mot « pot de chambre », et si quelqu'un s'en sert pour y mettre du riz ou de la soupe, les autres vont trouver cela répugnant. Que signifient ces sentiments négatifs ? Ils sont le résultat de l'attachement au nom, à la convention selon laquelle « ceci est un pot de chambre ». Ce n'est pas vraiment un pot de chambre dans un sens absolu et inaltérable. Cela dépend de notre perception et de la façon dont nous souhaitons l'utiliser. S'il est propre, nous pouvons l'utiliser pour toutes sortes de choses. Si nous comprenons la vérité de cette manière, il n'y a vraiment aucune raison de faire autant d'histoires. Nous ne possédons rien. Nous pouvons utiliser des plats de service, des pots de chambre et des pots ordinaires sans le moindre problème. Ces objets ne se donnent pas eux-mêmes un nom et nous pourrions leur en donner plusieurs. N'importe quelle convention adéquate ferait l'affaire. C'est pourquoi il est dit qu'il y a, d'une part, les mots qui désignent les choses et d'autre part, l'esprit. Si les autres appellent cela un vase, nous pouvons en faire autant. S'ils appellent un certain objet pot de chambre, nous pouvons le faire aussi. Cela s'appelle s'adapter au mode d'expression du monde, se mettre en harmonie avec le monde dans lequel nous vivons. Le Bouddha et ses disciples vivaient au sein d'une société. Ils côtoyaient toutes sortes de personnes, bonnes et mauvaises, sages et stupides. Ils pouvaient s'adapter partout parce qu'ils comprenaient la différence entre la réalité ultime et la réalité relative. Quand on a cette compréhension, l'esprit est détendu et en paix. Il n'y a ni attachement ni saisie. C'est la conséquence naturelle de la vision juste. On sait ce qu'est la convention et ce qu'est la libération. Et l'esprit est libre de toute perturbation, car il ne s'attache à rien.